En ramenant Julien en prison, on l'avait introduit dans une chambre destinée aux condamnés à mort. Il songeait à ce qu'il dirait à Madame de Rênal si, avant le dernier moment, il avait le bonheur de la voir. Il s'endormit. Quelqu'un le réveilla le matin en le serrant fortement. « Quoi déjà ?» dit Julien en ouvrant un œil hagard. Il se croyait entre les mains du bourreau. C'était Mathilde. Il trouva Mathilde changée comme par 6 mois de maladie. Réellement, elle n'était pas reconnaissable. « Cet infâme frilaire m'a trahi !» lui disait-elle en se tordant les mains. La fureur l'empêchait de pleurer. « N'étais-je pas beau hier quand j'ai pris la parole ?» répondit Julien. « J'improvisais, et pour la première fois de ma vie. Il est vrai qu'il est à craindre que ce ne soit aussi la dernière. » Mathilde, ce jour-là, était tendre, sans affectation, comme une pauvre fille habitant un 5e étage. Mais elle ne put obtenir de lui des paroles plus simples. Il lui rendait, sans le savoir, le tourment qu'elle lui avait souvent infligé. « On ne connaît point les sources du Nil, » se disait Julien. « Il n'a point été donné à l'œil de l'homme de voir le roi des fleuves dans l'état de simple ruisseau. Ainsi, aucun œil humain ne verra Julien faible, d'abord parce qu'il ne l'est pas. Si Madame de Rênal était ici, dans mon cachot, au lieu de Mathilde, aurais-je pu répondre de moi ? L'excès de mon désespoir et de mon repentir eut passé aux yeux des Valenod et de tous les patriciens du pays pour l'ignoble peur de la mort. Ils sont si fiers, ces cœurs faibles, que leur position pécuniaire met au-dessus des tentations. Même avec cette pauvre Mathilde, qui pleure maintenant, ou plutôt qui ne peut plus pleurer, dit-il en regardant ses yeux rouges, et il la serra dans ses bras. L'aspect d'une douleur vraie lui fit oublier son syllogisme. « Elle a pleuré toute la nuit peut-être, se dit-il. Mais un jour, quelle honte ne lui fera pas se souvenir ?» Mathilde lui répondait d'une voix éteinte. « Il est là, dans la pièce voisine. » Enfin, il fit attention à ses paroles. « Et qui est là ?» lui dit-il d'un air doux. « L'avocat, pour vous faire signer votre appel. » « Je n'appellerai pas. » « Comment ? Vous n'appellerez pas ?» dit-elle en se levant et les yeux étincelants de colère. « Et pourquoi, s'il vous plaît ?»« Parce que, en ce moment, je me sens le courage de mourir sans trop faire rire à mes dépens. Je prévois des entrevues avec des prêtres, avec mon père. Rien au monde ne peut m'être aussi désagréable. Mourons !» Et pendant un quart d'heure que dura encore la scène que lui faisait Mathilde, il ne songea qu'à Madame de Rênal. Mademoiselle de La Mole, ne pouvant rien obtenir de Julien, fit entrer l'avocat. « Ma foi, on peut penser comme vous, » finit par lui dire M. Félix Vaneau. C'était le nom de l'avocat. « Mais vous avez 3 jours pleins pour appeler, et il est de mon devoir de revenir tous les jours. » Et lorsque Mathilde sortit enfin avec l'avocat, il se sentait beaucoup plus d'amitié pour l'avocat que pour elle.